Kossi, Kossi, Karna, Karna, okay. Yes, Paris, hein. Paris, hein. Aujourd'hui ça tire partout, non, ça c'est ce que les jeunes croient. Les mecs, la vraie vie, c'est pas la PlayStation 3. Génération GTA et blessure à l'arcade. Cette meuf passera pas la cave vu qu'elle monte son cul à la cave. Aujourd'hui ça tire partout, non, ça c'est ce que les jeunes croient. Les mecs, la vraie vie, c'est pas la PlayStation 3. Génération GTA et blessure à l'arcade. Cette meuf passera pas la cave vu qu'elle monte son cul à la cave. Je me starre la tête pour écrire et pour passer le temps, car ma génération GTA attire mais n'a pas d'écran plat. Et plus le temps passe, plus ça sent le roussi. C'est pas l'armée des 300 mais des 60 soucis. Ouais, de Paris à Liège, y'a pas de frontière, même si c'est la Belgique, mais je réalise mon rêve d'MC. Mon frère, moi j'arrive plus à distinguer, y'a ceux qui le prétendent et ceux qui ont l'envie de flinguer. Avec Karna, French kick à la prod, universal, on est béni par l'alcool. Ok, il faut de la thune, mais c'est sûr on va la prendre. Ça c'est ce que les jeunes visent, mais pas sur un compte à la banque. La vie a sa valeur, mais qui ne vaut pas son prix. Moi, je vis au jour le jour, comme Ferrata la zombie. Bref, il faut que j'abrège, car le temps se compte en maille. On vient juste d'arriver, si tu voulais qu'on s'en aille. Attends, j'arrive, ouais, j'finis mon cola. Génération dopée, whisky dans le soda. Partout ça joue, les bonhommes solides. Ça confond la vraie vie et la console Sony. Quand ça rôde sans les stups par la vitre, moi je prône la paix comme Dulcarnain. C'est sera mec, la rime est ici. Et si je pompe le torse, c'est que la vie c'est physique. C'est qu'aussi encore un 16 avec des faces dedans. Juste mon pic violemment comme une arme blanche. La tête pleine, je vise direct le but. Le génie sort tout droit des 10 mecs de rue. Je marche seul dans le couloir que la mort. C'est l'éclair du génie quand je foudroie la prod. Nos darons font un sang d'encre, hélas. C'est la génération de San Andreas. Je me rappelle l'époque à l'école, je priais le ciel pour que mes parents voient pas mon carnet de notes trimestriel. Hey, je faisais du foot, l'entraîneur disait que je brillais. J'étais petit mais bon, je rêvais déjà de filles et de billets. J'ai grandi, les soucis me causent maux de tête, fièvre. Aujourd'hui je suis loin d'être l'enfant modèle d'hier. Loin du foot, cours d'école, sourire espiègle. Mon rap pour toi c'est comme un god pour les petites SBN. Faut le salaire d'un footballeur ou d'un joueur NBA. J'ai le niveau, tu peux ranger tous tes couplets de fillettes. Dans mon équipe y'a pas de dep à la YMCA. Il me faut un Porsche Cayenne, un clip en boucle sur MCM. Les jaloux voulaient m'enfoncer mais j'ai flairé le piège. Évidemment j'ai la tête pleine, demande aux frères de Liège. Pour les tasse-pés j'ai des capotes, parfum fraise, miel. On veut tous être numéro 1, pas 12 ou 13 IM. Aujourd'hui ça tire partout, non, ça c'est ce que les jeunes croient. Les mecs, la vraie vie c'est pas la PlayStation 3. Génération GTA et blessure à l'arcade. Cette meuf passera pas la cave vu qu'elle monte son cul à la cave. Aujourd'hui ça tire partout, non, ça c'est ce que les jeunes croient. Les mecs, la vraie vie c'est pas la PlayStation 3. Génération GTA et blessure à l'arcade. Cette meuf passera pas la cave vu qu'elle monte son cul à la cave. J'raconte ma vie au papier, ouais, recto verso. Un verre de whisky pur avec un pédo perso. Les gars, la vie c'est pas la PlayStation. C'est vrai que c'est chum finir sa vie à rester seul. Bien trop d'années qu'on kick ça, on fait les mêmes tueries. On opère sur la prod, c'est la scène du crime. Dans toutes les villes, ouais, c'est le même bazar. Je reste vif et précis comme Eden Hazard. Si la vie est fragile, donc j'évite la casse. Demande à Rachid, les racistes poussent des cris de macaque. Putain, dis-moi qui me battra. J'avance tranquille, quitte main libre à Paris, les flics on le quitte, matraque. Aujourd'hui ça tire partout, non, ça c'est ce que les jeunes croient. Les mecs, la vraie vie, c'est pas la PlayStation 3. Génération GTA et blessure à l'arcade. Cette meuf passera pas la cave vu qu'elle monte son cul à la cave. Aujourd'hui ça tire partout, non, ça c'est ce que les jeunes croient. Les mecs, la vraie vie, c'est pas la PlayStation 3. Génération GTA et blessure à l'arcade. Cette meuf passera pas la cave vu qu'elle monte son cul à la cave. Bon, t'as reconnu les styles? KOSSI. Si t'as pas ma voix sur ton beat, c'est que t'es pas French Kick.